L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. À suivre, pour terminer ce cycle de spectacles à voir en famille et de spectacles jeunes pour le jeune public, cette fois-ci, invitation à découvrir Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. C'est un ciné-spectacle proposé par la Cordonnerie sur un scénario, une réalisation, une mise en scène signée de Samuel Hercule et de Mathilde Weyersgans, c'est ça ? C'est ça. Bon, de quoi s'agit-il cette fois-ci ? Alors, par où commencer ? Imaginons oui. Blanche-Neige, bon, on connaît le conte. Le conte est connu, partagé de génération en génération. Voilà, alors on imagine Blanche-Neige, mais on bouscule un peu tout. On prend l'histoire, celle du conte, et on prend la grande histoire. Et là, on imagine que Blanche-Neige, elle évolue en 1989. Elle a 15 ans, elle est plutôt gothique, et alors sa belle-mère, c'est une hôtesse de l'air, une quarantenaire. Bon, on va dire qu'elle se sent un peu seule, elle est un peu dépassée par les événements. Et en gros, on va essayer de nous raconter cette coexistence pacifique qui semble exister entre ces deux femmes, ces deux êtres. On sait que les relations mère-fille ne sont pas toujours faciles. Donc là, on est plutôt belle-mère et fille. Donc c'est un peu leur histoire qu'on va nous dérouler, l'histoire intime de ces deux héroïnes à la grande histoire, celle de la chute du mur de Berlin, puisque, donc je le redis, on est en 1989 et que c'est l'année de la chute du mur. Donc à 2000 km de là, deux histoires de murs qui s'entremêlent, qui se déconstruisent, à voir. Alors oui, mais en même temps, ce Blanche-Neige dans tout ça, on y retrouve effectivement, je crois, quelques éléments phares du conte. L'exemple, les nains. Exactement, les sept nains qui vont être volés dans des jardins de quartier résidentiels. La forêt. Oui, la forêt, la pomme aussi. Ah, les pommes aussi. Mm-hmm. Et l'indispensable miroir. Miroir, évidemment. Le miroir magique qui là se trouve tout simplement dans la salle de bain. Mais bon, il continue à parler quand même, hein, comme dans le conte. Mais alors, le mur, de quel mur parle-t-on dans cette histoire ? Celui qui existe entre ces deux femmes peut-être, entre des générations. Le mur évidemment bien physique de celui de la grande histoire. Le mur entre les êtres, encore une fois. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à communiquer les uns avec les autres ? Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on croit que tout nous oppose, finalement on se rend compte que il ne tient qu'à rien que de faire tomber ce mur ? Juste la volonté de quelques-uns, voilà, et que le 1 plus 1, encore une fois, est plus que la somme des parties. Eh oui, entre tension et malentendu, fugue et inquiétude, vont-elles chuter ensemble ou séparément, pour le meilleur ou pour le pire ? Eh bien, on gardera ce suspense insoutenable jusqu'au bout, si ce n'est pour vous dire que ce spectacle Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, en ciné-spectacle, est à l'affiche le jeudi 24 mai en séance scolaire, 10h-14h30, le samedi à 17h et enfin le dimanche 27 mai à 16h, à l'apostrophe Théâtre 95, salle Visconti à Cergy-Centre. Et c'est un spectacle d'une bonne heure 15 minutes, approximativement, m'a-t-on dit, et à recommander, pareil, là encore, en famille. Oui, en famille. La particularité, on les a déjà accueillis, Mathilde et Samuel, avec Hansel et Gretel au Théâtre des Louvrets. La particularité, comme tu l'as dit, c'est vraiment ce ciné-concert. C'est d'abord un film muet qu'ils réalisent eux-mêmes, qu'ils diffusent au plateau, et eux sont là et ils font tous les bruitages, la musique live et une partition théâtrale qui est interprétée en direct.